C'est des espaces où des gens se trouvent sans État au sens où ils sont sans citoyenneté, ils sont sans usage de leur rapport à l'État. Ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire qu'ils sont apatrides, c'est une autre affaire, mais ils sont sans État au sens même d'Hannah Arendt, c'est-à-dire ils ont perdu la protection à la fois sociale et la reconnaissance politique d'un État. Et donc à partir de ce moment-là, soit ils sont dans quelque chose qui est plus profondément dans l'abandon et la mise à l'écart, qu'ils accepteraient, soit ils reprennent vie, redeviennent sujets, et donc ils font cette exigence de vie qui consiste à demander un droit à l'existence dans l'illégalité, puisque de toute façon l'illégalité est le cadre qui leur est donné d'avance. Quoi qu'il fasse, c'est illégal. Donc, de toutes les façons, il s'arrange simplement avec ça. Voilà, c'est l'intempestive. Et Michel Agier dit encore, d'autres espaces émergent en ces temps de mondialisation et d'intervention localisée de la communauté internationale. Deviennent les lieux d'une expression politique d'un nouveau type, parce que s'inventant et agissant, dans et sur les limites. C'est un extrait d'un de ses bouquins, Gérer les indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, paru chez Flammarion en 2008. Deuxième partie aujourd'hui d'un entretien avec Michel Agier, anthropologue. Dans la première partie, que vous pouvez toujours écouter sur www.intempestive.net, on a parlé des multitudes de personnes qui se retrouvent coincées entre deux États, dans un espace interminable de frontières, et des différents types de camps qui contiennent et trient ces personnes. Aujourd'hui, on parle davantage de la manière dont s'organise ce gouvernement humanitaire et des différentes formes de résistance et de lutte qui naissent de cette nouvelle situation. Alors sur cet aspect de socialisation et de comment on se réapproprie son existence à partir de cet espace du camp, on va revenir dessus. Peut-être juste avant justement insister sur cet aspect du gouvernement humanitaire, cette notion que vous développez pas mal dans le deuxième bouquin, Gérer les indésirables, où vous dites notamment l'entrée dans le camp symbolise le passage non pas dans une prison mais dans un autre régime de gouvernement et de droit. Précisément, comment est-ce que ça se passe dans un camp de réfugiés? On est sur le territoire d'un État, mais sans y être. Quelle est la loi qui s'applique dedans? Est-ce qu'on est dans une démocratie? Est-ce qu'on n'y est pas? Quel est le régime de gouvernement là-dedans? Oui, on n'est pas du tout dans une démocratie. C'est un régime. Effectivement, je pense que c'est important de l'aborder de ce point de vue-là, puisque ce sont des espaces qui, de fait, sont durables. Les espaces eux-mêmes sont des espaces qui sont concédés, parfois négociés, monnayés, par les gouvernements, par les États, aux organisations des Nations Unies, à l'organisation des Nations Unies qui s'occupe de la création du camp, ou aux très grandes ONG qui peuvent s'occuper de la création des camps, mais en général c'est le HCR ou ces organismes, ces agences des Nations Unies qui négocient avec l'État. L'État prenant souvent, comme c'est le cas en Zambie, ils prennent un territoire qui appartient à des groupes locaux et ils disent voilà, on vous donne ce camp-là. Et puis les pouvoirs locaux se rendent compte, les chefferies du coin se rendent compte qu'on leur a enlevé un territoire et qu'il y a toute une armada de camions et de grosses installations qui arrivent sur ce qui était leur territoire jusqu'à pas longtemps. Voilà, et ils savent pas d'où et comment. Donc là, il y a des créations. Effectivement, on délimite les espaces, on met des murs, on met des... C'est pas forcément toujours des barbelés. Il peut y avoir aussi ces formes-là de fermeture physique des camps, mais bien souvent, la propre existence elle-même d'un espace d'abri, d'habitat ou de l'alimentation est donnée aux gens qui vont arriver, crée les conditions du confinement. Il n'est pas toujours nécessaire de fermer le camp pour que les gens n'en sortent pas. Bien souvent, les gens, de toute façon, ils n'ont pas le choix que d'être là. Donc, ils restent là. Et inversement, il y a des contrôles aussi vis-à-vis de l'extérieur, puisque ça crée parfois des problèmes avec les gens qui sont autour, puisque tout d'un coup, il y a cette arrivée de plein de choses, d'organisations internationales, dans un environnement rural, par exemple, quand c'est dans les environnements ruraux qui peuvent être parfois très reculés, où les gens ne comprennent pas pourquoi tout ça est servi pour des étrangers qui arrivent là alors qu'eux n'ont rien. Et notamment, ça concerne évidemment les questions de la ration alimentaire ou de l'aide médicale qui crée souvent beaucoup de problèmes, bien qu'elle soit ridicule, qu'elle soit tellement minimale que c'est largement insuffisant pour les populations réfugiées. Il n'empêche que ça crée quelque chose, ça crée un conflit, c'est une ressource qui est amenée comme ça dans un endroit qui crée des conflits éventuellement avec l'environnement. Alors ça n'en crée pas toujours, bon, il y a des arrangements possibles. Au bout d'un moment, on ne peut pas dire que, dans la mesure où il y a effectivement des villages autour, comme c'est le cas en Sierra Leone par exemple, où les camps sont répartis, il y a une dizaine de camps qui sont répartis sur 70 km, il y a la route principale du pays. Là, il y a des camps bien délimités, éventuellement fermés, avec des murets, des murs, c'est pas du tout des prisons, mais c'est des endroits où les gens n'ont pas le choix que d'être là. Cela dit, ils font aussi des arrangements avec la population locale quand il y a des gens, quand il y a des villages qui sont dans l'environnement, dans le coin. Et il y a des réfugiés qui peuvent, pendant un moment, travailler pour les gens des villages alentours, travailler en général dans les champs, par exemple, faire un peu de sarclage, nettoyage des champs, un peu d'agriculture, ce qui leur permet de les aider un peu à vivre. Et ils reviennent après dans le camp s'ils ont ça dans leur environnement immédiat, quoi. Donc il y a des formes à la fois d'installation, d'établissement de manière assez importante des camps, et puis souvent, assez systématiquement, quand il y a effectivement un environnement de village ou de quartier autour, il y a des différents types de relations qui se nouent, qui peuvent être des relations, qui peuvent être des conflits, peuvent être aussi des relations de travail, des relations de rencontres, de mariage, d'intégration comme ça, de cette forme-là, des gens des camps avec les gens de l'environnement immédiat. Mais en général, effectivement, on a cette décision qui est prise, c'est ce en quoi le dispositif est mondial, c'est-à-dire il y a une décision qui est prise à un moment donné de mettre un camp là, et tout d'un coup, il y a cette arrivée comme ça qui se fait et qui crée un événement particulier dans la vie locale, quoi. Donc après, comment est administré le camp? C'est-à-dire quelles sont les relations entre les organisations humanitaires ou internationales et les personnes qui vivent dans ce camp, donc qui sont les réfugiés? Mmh. Quel type de rapport de pouvoir existe entre ces deux catégories de personnes, disons? Alors déjà, il faut voir qu'en général, ça n'est pas forcément les employés du HCR, ça n'est pas le Haut Commissariat aux réfugiés lui-même qui gère les camps, contrairement à ce qu'on croit. En fait, bien souvent, ils sous-traitent. Ils sous-traitent auprès de certaines ONG. Et donc, c'est pour ça que le monde des ONG, de ce point de vue-là, est très important. Enfin, c'est quelque chose qui est assez complexe, quand même. Parce que parmi les ONG, il y en a quelques-unes qui vivent parce qu'elles sous-traitent au HCR. Et là, chaque année, il y a à peu près 400 ONG nationales et 300 ONG internationales qui sous-traitent, enfin qui travaillent en sous-traitance pour le HCR. C'est-à-dire qui sont sur contrat du HCR. Donc, ce sont plutôt ces organisations qui vont gérer le camp. Dans ces ONG, il y a des... Alors, je ne veux pas rentrer dans les débats, les discussions internes aux ONG, mais selon certaines ONG qui sont en fait des petites entreprises qui se sont spécialisées dans la gestion des camps et sécurité des camps. Et on est très proche, en fait, d'une privatisation. Hein, on pourra en reparler, mais pourquoi il y a des entreprises privées qui s'intéressent aussi à l'humanitaire? C'est que bien souvent, ils disent, mais nous, on est bien meilleurs que vous pour faire toutes ces choses-là. Gestion des espaces, gestion des camps, sécurité, etc. On sait bien mieux faire. Et voilà. Donc, souvent, donc, c'est une ONG ou alors, donc, parfois, un représentant du HCR, mais en général, une ONG qui rend compte une fois par semaine, par exemple, au HCR, de la gestion du camp. L'ONG gère le camp, c'est-à-dire l'espace propre à l'ensemble des organisations humanitaires. Elle coordonne l'action des organisations humanitaires dans le camp. Et en gros, on a, dans la formule idéale de ces espaces-là, on peut avoir 15, 20, 25 organisations humanitaires qui sont représentées selon la grosseur des camps, qui sont présentes pour faire une part du travail. Ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai parlé de gouvernement humanitaire, c'est quelque chose de très précis d'ailleurs, où je me retrouvais avec des personnes de MSF à être dans une des réunions hebdomadaires de l'administration du camp. Je me suis dit, mais ça, c'est un conseil municipal ou c'est un conseil des ministres. Enfin, chacun a son portefeuille, chacun a son budget, chacun a la responsabilité d'un moment de la vie des gens qui sont là. La santé, l'enfance. Voilà, la santé, l'enfance, la police, l'éducation, etc., etc. La sécurité, l'approvisionnement en eau, les abris, les constructions des abris, etc. Donc, tout ça est géré d'une manière très technique et coordonné par l'administration, l'ONG ou l'administration qui est en charge de l'ensemble du camp, qui est responsable pour l'ensemble du camp, ce qui veut dire aussi qui est responsable pour l'arrivée, pour la gestion des zones de transit et l'arrivée des camions, hein, avec des gens qui arrivent. Et donc les gens à ce moment-là descendent des camions, ils sont mis dans un parcours de screening, de tri, hein, où on prend leur identité, on regarde leur état de santé, on regarde la taille des groupes, et puis après les provenances, d'où les gens viennent, etc. Et ensuite, ils sont dispatchés dans tel ou tel endroit du camp. Donc, il y a une espèce de formule parfaite comme ça qui se reproduit finalement à différentes échelles, à l'échelle régionale et à l'échelle internationale, qui est cette espèce de répartition très technique où, à un moment donné, on a affaire aux gens qu'étant les objets de cette intervention. On n'a pas affaire à des sujets, on a affaire à des objets. Et donc, par exemple, toutes les discussions qu'il peut y avoir entre les organisations et le HCR sur la plus ou moins grande vulnérabilité, hein, c'est un terme qui est très très important, puisque en fait, tout ça est lié à une victimologie générale, où on dit les gens sont là parce qu'ils sont victimes, et donc s'ils sont victimes, il faut que ce soit de vraies victimes, et donc on a démontré qu'ils ont réellement besoin de telle ou telle assistance. Et donc il y a des catégories de vulnérabilité qui ont été créées par le HCR, et qui sont utilisées par les ONG. Il y a une quinzaine de catégories comme ça, que on est plus ou moins vulnérable. Et donc, si on entre dans telle ou telle catégorie, la catégorie idéale étant la femme seule avec un bébé, et si possible malade, et donc à ce moment-là, voilà, si vous avez un homme ou une famille, un couple avec un ou deux ou trois enfants, où les gens ne sont pas particulièrement mourants, on dira, ben vous n'êtes pas dans la vulnérabilité prioritaire. Et à ce moment-là, ça crée du dissensus, ça crée éventuellement des réactions, évidemment, de la part des gens qui ont tous des itinéraires, qui les ont amenés ici, et qui sont des itinéraires en général, des trajectoires très, très difficiles, et qui se retrouvent tous confinés. Et donc il y a des réactions à ce genre de triage et de comptage de la population, qui dénie en gros l'identité des personnes, pas savoir ce qu'eux-mêmes ont à dire, on dit pour eux, quoi. Alors souvent, tout ça est fait avec une bonne volonté humaniste au départ, enfin par les gens qui sont là. Et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'ils passent leur temps à exclure des gens de telle ou telle chose, à donner aux uns et à ne pas donner aux autres, à trier et à faire les séparations entre les personnes. Et donc là, on est effectivement dans un cas de gestion excluante, sélective, de groupes confinés dans cette, qui sont tous confinés dans cet espace-là. Toujours dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel, c'était Lumière Noire, Instant Zéro, un extrait de la création du monde de Bernard Parmegiani, qui nous accompagne tout au long de cet entretien avec Michel Agier, anthropologue. Donc à propos de la question de la socialisation qui est liée à ça, vous évoquez la question des hiérarchies sociales qui se recréent dans le camp et qui se recréent de manière différente. Par exemple, il pouvait, bon, d'une part, déjà, là, il y a les hiérarchies qui sont demandées par l'administration humanitaire, puisqu'elle veut des représentants, etc., qu'elle désigne elle-même si les représentants ne lui conviennent pas, vous reviendrez dessus. Et par ailleurs, les hiérarchies sociales, les hiérarchies traditionnelles qui se retrouvent remise en question, une identité comme ça traditionnelle qui se métisse par la rencontre avec d'autres groupes sociaux. par le fait qu'on prend maintenant des libertés par rapport à certains interdits qu'il pouvait y avoir auparavant. Est-ce que vous pouvez parler justement de cette question de la socialisation dans le camp ? Oui, il y a des phénomènes. C'est-à-dire, à partir du moment où on prend ces espaces comme des espaces durables et où de nouvelles relations sont créées avec de nouveaux éléments par rapport à des systèmes de relations que les gens ont connus avant d'arriver là, il y a des changements qui peuvent se passer très, très rapidement. Donc ça concerne par exemple dans les camps de réfugiés somaliens au Kenya, une certaine préférence qui est donnée par les ONG à des gens qui parlent plutôt anglais. Et d'autre part, une préférence aussi à des gens qui seraient dans des conditions de vulnérabilité plus que d'autres, qui sont des critères qui ne sont pas forcément logiques du point de vue des groupes qui sont là. Quand on a des groupes sociaux, ils ont leur hiérarchie, il y a des systèmes de pouvoir qui existent dans toutes les sociétés, et c'est vrai que venir, par exemple, dire, comme c'est le cas dans les camps... au Kenya, dire que tel groupe, en l'occurrence ce qu'on appelle des Somali bantous, alors c'est des migrants qui ont une position, des migrants du sud, enfin qui venaient dont les ancêtres sont venus de Tanzanie il y a 200 ans et qui eux se retrouvent dans une situation subalterne en Somalie par rapport au clan somali. Système de clans. Donc ils sont hors clan et ils sont dans des positions subalternes. Quand ils arrivent dans les camps, ils sont considérés, ils se font considérer comme une minorité. Et donc ils ont été à un moment donné catégorisés, identifiés comme minorité ethnique par rapport à d'autres groupes comme les Somalis qui étaient, on peut dire, la majorité ethnique, mais aussi à égalité avec des Soudanais, des gens du Sud-Soudan qui étaient dans le camp. Et donc ce groupe-là a gagné une certaine autonomie identitaire, on va dire, par rapport aux autres groupes. Ils sont devenus, d'ailleurs, il y a eu un terme, les SBR, les Somali Bantu Refugees, comme si c'était un nouveau groupe ethnique, quoi, d'une certaine façon. Et ces SBR ont été reconnus, défendus par certaines personnes dans des ONG qui disaient que ce sont des minorités, on va les aider, etc. Ils ont eu beaucoup de difficultés sur place dans les camps avec les représentants des clans somalis, des groupes supérieurs somalis, enfin dits supérieurs, Ogaden, etc. Et à un moment donné, ces groupes-là, donc les Somali Bantu réfugiés, qui ont été aidés et qui ont eu un resettlement, une réinstallation dans un pays tiers, et en l'occurrence aux États-Unis. Donc ça a été un peu le truc qui a déséquilibré tout le système. Alors, tant mieux pour eux. Enfin, en plus, il y était 10 000 Somali-Bantou réfugiés qui sont entrés dans un programme de réinstallation. Où est-ce qu'ils sont allés aux États-Unis? Dans quelle province de l'Utah ou je ne sais où? Dans un village où on les a confinés après dans cet espace-là? Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il n'empêche que localement, ça a créé un désordre, un déséquilibre par rapport au système dans lequel les gens vivaient jusque-là. De même, dans ce même genre d'espace, le fait que les organisations, l'administration du camp ait à un moment donné créé des secteurs de camp. Donc il y a 170 000 personnes, donc c'est quand même... Voilà. Donc, il y a eu des secteurs qui ont été créés, et il y a eu des représentants de secteurs qui ont été en fait désignés par l'administration, et qui étaient... Il fallait un homme et une femme par secteur. Et donc plutôt des gens qui parlaient anglais, en tout cas pour les hommes, et je crois que c'était le cas avec les femmes aussi, plutôt des gens qui parlaient anglais, plutôt des jeunes, dynamiques, plutôt des gens qui avaient été scolarisés, qui avaient une certaine proximité avec la culture occidentale, plutôt des gens qui comprenaient assez vite comment fonctionnait le dispositif humanitaire, et donc les elders, qui étaient d'accord avec eux, entraient dans le système, quoi, on va dire, qui entraient dans le système, qui étaient prêts à moraliser les autres sur toutes les tas de choses qu'ils faisaient pas bien, de revendre la ration alimentaire ou d'autres choses de ce genre-là. Donc c'était vraiment le dispositif qui créait son espace en prenant les gens, en désignant comme leaders et représentants des gens qui entraient dans son fonctionnement, et du coup en créant aussi un conflit d'autorité, sans qu'on ait à juger. Moi, je n'ai pas du tout pour penser que les leaders somalis sont plus sympathiques que les elders somalis ne sont pas plus sympathiques que les leaders. C'est pas ça la question. Mais simplement, il y a eu brusquement un déséquilibre dans les hiérarchies sociales qui s'est fait. Et alors souvent, les gens après se sont mis à négocier, les elders, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aînés qui sont eux qui ont le statut de chef, on va dire, se sont mis à négocier avec des petits jeunes qui étaient là parce qu'ils étaient reconnus par les ONG. Et donc ça crée un déséquilibre très rapide, on va dire, très brutal, et pas forcément pour le mieux du point de vue des gens qui sont là, quoi, dans les systèmes sociaux d'où les gens viennent, quoi. Donc ça, comment dire, c'est intéressant, c'est important, c'est des changements très importants qu'on mesure pas toujours. Après, bah, autant on va refermer le camp, les ONG s'en vont, vont installer leur dispositif ailleurs, etc. Et puis là, il y aura eu ce changement-là entre-temps. Il y a eu ce changement-là s'est opéré, et donc c'est ça qu'il faut aussi mesurer de ce qui se passe dans la vie des gens à ce moment-là, quoi. Il y a des changements culturels, des changements sociaux assez importants. Vous parlez justement de la tension qui existe dans tous les camps entre le réfugié qui est censé, du moins c'est ce que l'administration attend de lui, être une victime qui reçoit l'aide de manière entièrement passive. C'est ce qui est quasiment exigé de lui. Et le sujet qui se resocialise et le réfugié qui essaye de pas simplement subir son statut de réfugié mais de le maîtriser, d'en profiter, d'en tirer parti, etc. Et il y a toute la rhétorique derrière ça, du faux réfugié que les organisations internationales ou nationales ou les ONG utilisent abondamment. Est-ce qu'on pourrait parler de ça ? Ben oui, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on observe quand même, c'est que les gens, à partir du moment où ils sont entrés dans ce dispositif-là, essaye de, par tous les moyens, de s'en sortir, de reprendre l'initiative, comme on dit, de faire quelque chose qui fait qu'ils ne se retrouvent pas confinés, passifs, à attendre qu'on leur donne une fois par mois ou une fois tous les 15 jours une ration alimentaire. Et donc, c'est assez paradoxalement, cette image de réfugié passif, elle est à la fois exigée et dénoncée par les grandes organisations humanitaires, parce que Ah, c'est terrible, ils veulent rien faire, ça crée une culture, comment on appelle ça, culture de l'assistance. Alors, c'est pour ça, à un moment donné, dans le cas, j'ai dit, bah, oui, une culture de réfugiés, parlons-en, mais c'est à l'opposé de ce qu'on raconte quand on parle de culture de l'assistance. Culture de réfugiés, c'est des gens qui apprennent, au bout d'un certain temps, à vivre dans ce système-là, dans ces espaces, et qui apprennent à s'en sortir avec ça, à vivre plus que le minimum de survie qu'on leur propose dans ces espaces-là. Et donc, par exemple, à acheter et revendre des cartes de la ration alimentaire, à revendre des parts de la ration alimentaire pour pouvoir acheter des légumes, des œufs, éventuellement du poisson, pour améliorer la qualité de la nourriture. Des gens qui se répartissent, une partie de la famille va dans les camps et une autre partie circule dans les villages pour travailler un peu, pour essayer d'avoir un peu plus d'argent. Toutes ces pratiques-là sont prises dans le monde des organisations et des gestionnaires des camps comme des pratiques de faux réfugiés, de gens qui reviennent plusieurs fois pour demander une ration alimentaire. Et donc, on est très vite, on est dans la dénonciation. On dit, mais toi, tu es déjà passé, je t'ai déjà vu, tu as déjà eu ta part de ration, tu mens, etc. Ce soupçon du mensonge et du profiteur, du réfugié profiteur, c'est un terme d'ailleurs utilisé par des personnes des ONG, hein. Toute cette représentation-là va complètement à l'encontre de cette pratique qui consiste à faire un peu plus que survivre et à être, à un moment donné, à reprendre le contrôle de sa propre histoire et à lui donner un sens, donc à être soi-même sujet de son histoire. Et vous parlez de l'action dite illégale comme la recherche d'un droit à la vie dans une relation amputée, celle d'un individu sans état. Ce qui d'ailleurs n'est pas simplement propre aux réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés, mais qui s'appliquent aussi bien à des gens qui sont dans des refuges auto-organisés, qui sont dans la même problématique. Et le discours humanitaire que vous venez de dénoncer dans sa caricature, il est présent également sur des refuges auto-organisés comme à Calais, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Et c'est ce qui fait aussi cette continuité. C'est-à-dire c'est des espaces où des gens se trouvent sans État au sens où ils sont sans citoyenneté. C'est-à-dire ils sont sans usage de leur rapport à l'État. Ça ne veut pas dire qu'ils sont apatrides, c'est une autre affaire, mais ils sont sans État au sens même d'Hannah Arendt. C'est-à-dire ils ont perdu la protection à la fois sociale et la reconnaissance politique d'un État. Et donc à partir de ce moment-là, soit ils sont dans quelque chose qui est plus profondément dans l'abandon et la mise à l'écart qu'ils accepteraient, soit ils reprennent vie, redeviennent sujets, et donc ils font cette exigence de vie qui consiste à demander un droit à l'existence dans l'illégalité, puisque de toute façon l'illégalité est le cadre qui leur est donné d'avance. Quoi qu'il fasse, c'est illégal. Donc, de toutes les façons, il s'arrange simplement avec ça. C'est ça qui est étrange dans ces dénonciations de tout ce qu'on entend, que ce soit les passeurs, les reventes de rations alimentaires, les doubles inscriptions, les cartes qu'on revend, etc., etc. C'est que le contexte qui est donné de départ est un contexte où, de toutes les façons, les gens sont dans l'illégalité, puisqu'ils perdent un droit de reconnaissance d'un État, ils n'ont pas d'un autre, et ils sont dans cet espace interminable de frontières où ils ne peuvent pas arriver quelque part. Donc, survivre dans ce contexte-là, c'est forcément se mettre dans une forme d'illégalité. Vous êtes toujours sur FPP dans l'intempestive. On vient d'écouter Signe de vie polyphonie de Bernard Parmigiani. Et on retourne tout de suite à l'entretien avec Michel Agier, anthropologue. Et vous parlez justement à travers ça notamment et à travers d'autres types d'actions, d'une reprise de paroles, de la naissance de nouvelles formes d'expression et d'action politique dans les camps de réfugiés, justement dans un contexte où toute forme de citoyenneté, pour parler de manière très générale, est complètement déniée aux personnes qui sont dans le camp, qui sont simplement supposées recevoir de l'aide humanitaire, et surtout pas avoir une idée sur la manière dont devrait s'organiser le camp, surtout pas avoir des revendications. Et pourtant, vous évoquez un certain nombre de manifestations, de revendications et de luttes qui naissent dans ces espaces-là. Ben, est-ce que vous pourriez les évoquer concrètement, puisque ça, c'est quelque chose qui est très très peu connu, hein, le fait qu'il y ait justement des manifestations, des revendications à l'intérieur des camps. Mmh. Il y a une forme déjà qui est assez... Il y a une forme importante qui n'est pas tenue pour une action politique, qui est le fait de revendre au moins la moitié de la ration alimentaire. C'est quelque chose que les gens font et à quoi je donne l'importance. Parce que justement, souvent, c'est condamné, et en fait, c'est le contraire. Enfin, je ne peux pas dire qu'il faut forcément l'encourager, peu importe, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie simplement qu'en revendant une part de la ration alimentaire, les gens enclenchent une certaine vie économique, une certaine vie sociale, en plus de puisqu'ils permettent qu'il y ait des petits marchés qui se fassent, qu'il y ait un peu d'argent qui circule et qu'il y ait des petits marchés qui se fassent, et qui permettent... En plus d'améliorer les conditions d'alimentation, d'avoir une certaine vie sociale. Ensuite, toujours sur la ration alimentaire, il y a le boycott de la ration alimentaire. Alors là, il faut être déjà assez organisé, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient eu, justement, grâce aux reventes de rations alimentaires, et puis avoir un peu de pécule et d'organisation interne, si on peut dire, pour qu'ils puissent se passer pendant un certain temps de la ration alimentaire, qui est, en général, c'est... un sac de riz ou un sac de boulgour de 5 kilos, par exemple, une bouteille d'huile, un bidon de 2 litres d'huile, par exemple, pour le moins, un peu de sel et quelque chose comme des lentilles ou des pois, quoi, enfin, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est la ration alimentaire pour le mois. Donc, effectivement, les gens avec ça se débrouillent, revendent, etc. etc. Mais quand boycotter, refuser la ration alimentaire, c'est quand même... mettre en échec tout le dispositif, puisqu'il y a une organisation technique, hein, de la ration alimentaire qui est faite par certaines grandes ONG. Il y a CARE, par exemple, qui est spécialisée dans la distribution de la ration alimentaire. Il y a Save the Children aussi, selon certains camps, qui est l'organisation qui est spécialisée là-dedans. Et donc là, ça veut dire arrêter le système, repartez avec vos sacs, etc. etc. Donc c'est assez difficile à mettre en action, mais ça existe. Il y a autre chose qui existe, qui est plus fréquent, qui sont les grèves des réfugiés qui travaillent dans les organisations humanitaires. Puisqu'en fait, ils sont pas supposés travailler, puisqu'ils sont réfugiés dans les camps. Donc les réfugiés dans les camps, et en général hors des camps aussi d'ailleurs, n'ont pas le droit de travailler, donc ils ne reçoivent pas de salaire. Mais les organisations humanitaires les appellent en général des travailleurs communautaires volontaires, et ils reçoivent un petit pécule. Sauf qu'eux, ils considèrent que ça, c'est un salaire, que ça n'est pas un pécule. Donc il y a une mésentente entre le salaire très bas ou ridiculement bas que reçoivent les réfugiés qui sont là et qui bossent, qui font un boulot de conduire les voitures, les véhicules des ONG, travailler aux distributions, travailler, creuser les puits, fabriquer les abris, enfin, etc. Il y a un gros travail logistique qui est impliqué par l'existence des camps. Et à plus de la moitié, ou parfois aux deux tiers, aux trois quarts, c'est des réfugiés eux-mêmes qui sont employés pour faire ce travail-là. Donc ce qui est assez fréquent, c'est qu'il y ait des grèves de réfugiés travaillant dans les ONG pour demander, par exemple, des équivalences de salaire, puisque les ONG, selon le type d'ONG, n'ont pas les mêmes salaires, ou pour demander des augmentations de salaire, tout simplement. Et puis, il y a des manifestations qui aussi, il y a deux genres de manifestations qui sont bien plus fréquentes que ce qu'on croit, qui sont des manifestations de rue, dans les rues des camps, tout simplement. Pour ceux que je connais, que j'évoque là, c'est des manifestations pour avoir des abris de meilleure qualité. Donc c'est les toits, les bâches, la distribution des bâches plastifiées pour les toits, qui sont souvent insuffisantes, et où les gens qui vont râler ils vont au HCR, après ils vont au CICR, après ils vont dans une autre ONG, et on leur dit c'est pas nous, c'est les autres, c'est pas nous, c'est nous, on a en charge telle part. Pour les bâches, aller voir quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, ça les énerve. Ça dit, mais vous êtes tous des blancs, donc c'est vous qui allez nous trouver nos bâches. C'est pas arrêter de nous dire que c'est pas vous et que c'est un autre. On sait bien que c'est vous. Et donc il y a eu des affaires comme ça, comme des gens d'une ONG qui sont fait vider de leur voiture par des manifestantes, en l'occurrence, des femmes sierra-léonaises qui ont. En Guinée, qui ont sorti des volontaires de leur véhicule du CICR, qu'ils ont mis dehors sous la pluie et qui les ont gardés comme ça pendant plusieurs heures, en leur disant comme ça vous verrez ce que c'est de rester sous la pluie quand on n'a pas de toile plastifiée. C'est vrai que les cases étaient, les abris étaient en terre et avec la pluie, c'était en saison des pluies au mois d'août et ça a commencé à se. La terre se. Devenait de la boue et il n'y avait pas de toile plastifiée et donc c'était une vraie catastrophe, tout s'écroulait quoi. Donc ça c'était, il y a ça et puis il y a des manifestations quand il y a des passages, des fois il y a eu en Sierra Leone le Ruud Lubbers qui était l'ex-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui est venu faire une visite, comme ça se fait beaucoup, on fait des visites dans les camps pour se faire prendre en photo, Ruud Lubbers se faisant prendre en photo dans un camp de réfugiés en Sierra Leone. Et là, il y a eu une manifestation très importante de 200-250 personnes devant le compound du HCR, réclamant l'accélération des procédures. C'était en fin 2003, donc il y avait un accord de paix qui venait d'être signé. Et donc, les gens réclamaient des procédures pour pouvoir rentrer au Libéria parce qu'ils considéraient qu'ils étaient très mal lotis, très mal traités dans le camp. Et donc, ils voulaient rencontrer le représentant du HCR et dire ce qu'ils voulaient dire là-dessus. Il y a aussi des phénomènes, par exemple, qui sont plus diffus, mais qui sont aussi très importants. C'est ce qui concerne la représentation des réfugiés dans ce gouvernement du camp que j'évoquais. Et donc, il peut y avoir parfois des procédures de représentation ou d'élection. Donc, c'est au minimum, les adultes, les chefs de famille nomment un représentant. Et au mieux, il y a des élections parmi toutes les personnes majeures qui sont organisées pour élire leurs représentants. Bon, ça, il y a eu des histoires où des gens se sont fait élire comme ça et ont été démis de leur fonction par les administrateurs du camp parce qu'ils considéraient qu'ils n'arrêtaient pas d'appeler à la révolte et donc ça suffisait comme ça et que donc on allait démettre ces personnes-là. Une autre personne ayant été mise à la place, très très docile et arrangeante, et puis cette autre personne s'est fait. En fait, critiqué tellement par les réfugiés qui étaient là, qu'il a fini par ne plus aller aux réunions avec l'administration du camp. Et finalement, il y a quelqu'un qui a pu, notamment à l'occasion de ses visites de hauts représentants du HCR, qui a pu participer à cette réunion, rencontrer l'écran représentant du HCR qui était là et présenter une liste de revendications. Il en avait deux cahiers pleins comme ça, deux pages de cahiers pleines comme ça, de listes de revendications qu'il avait à présenter. Donc il y a une animation comme ça dans les camps, une certaine agitation politique, parfois qui est bien plus présente que ce qu'on croit. Thank you. C'était Signe de vie, cellule, toujours de Bernard Parmigiani. Vous êtes sur FPP dans l'intempestive et tout de suite, on termine l'entretien avec Michel Agier, anthropologue. Vous parlez beaucoup du fait que cette administration indirecte, comme vous le dites, qui n'est pas d'un État particulier, se développe. Elle intervient de plus en plus dans des situations de plus en plus diverses. Et vous évoquez une politique et une économie de l'urgence et de la catastrophe, plus précisément de la post-catastrophe, qui se développe et se structure à l'échelle, à l'échelle mondiale. Tout à l'heure, vous avez évoqué une crise à l'intérieur, enfin une crise de l'humanitaire et des tensions, notamment à MSF, mais je suppose que ces tensions, elles sont présentes partout. Est-ce que pour conclure un petit peu cet entretien, on pourrait parler de cette question-là, de ce que devient l'humanitaire à travers ce que vous venez d'évoquer, quoi, à travers aussi le fait qu'il sert. Le HCR, c'est pas l'objet de cet entretien, le HCR qui était au départ un organe de protection des réfugiés est devenu au fur et à mesure un outil pour l'Europe notamment, mais pour les pays occidentaux en général, un outil de contrôle des flux migratoires. Est-ce que les camps de réfugiés sont pas aussi en train de jouer ce rôle-là, un rôle de contention justement des indésirables? Est-ce que l'humanitaire est pas en train de se transformer radicalement? Oui, tout à fait. Je crois que, à part tout ce qu'on a évoqué là sur la vie de chaque camp en particulier, etc., ne prend finalement de sens que lorsqu'on voit sur l'ensemble, à l'échelle de la planète, qu'un ensemble de choses fonctionne de la même façon et qu'en gros, effectivement, on cantonne dans des espaces et dans des régions du monde, des gens dont on veut contrôler les déplacements et, si possible, même l'immobilité et pas la mobilité. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui est l'équilibre entre la place des organisations humanitaires et des ONG, et d'un côté, et de l'autre côté, les grosses organisations internationales et la partie, on va dire, sécuritaire et policière, elle est bien sûr à l'avantage des organisations humanitaires quand on regarde les camps de réfugiés, et puis quand on regarde plutôt du côté de l'Europe, c'est l'inverse. C'est plutôt on voit davantage le fait que ce sont des espaces de rétention, contention, contrôlés par la police. Mais effectivement, je crois qu'il y a une continuité, il y a une chaîne comme ça d'ensemble d'espaces où, même si l'équilibre entre ce que j'appelle la main gauche et la main droite, c'est-à-dire l'équilibre entre cette main droite policière de contrôle, de screening, de contrôle des flux, parfois est plus ou moins importante, et la main gauche humanitaire qui soigne et qui nourrit est plus ou moins importante. Les deux sont ensemble, bon gré, mal gré. Il y a de travail pour l'Empire. Voilà, alors, travail pour un certain ordre du monde, voilà, on va dire, et en l'occurrence, une mise à l'écart d'une partie de la population qui ressemble étrangement à ce qu'on appelait le tiers-monde ou à ce qu'on appelle les pays du Sud. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, alors c'est aujourd'hui plus complexe que ça, mais en gros quand même, il y a cet équilibre-là qui est à l'échelle mondiale et qui fait que les organisations humanitaires ont à se poser la question de ce qu'elles font dans ces espaces-là. Et on parlait de MSF, mais il y a le même genre de débat ACF, Action contre la faim, Médecins du Monde, Oxfam, le CICR, enfin, toutes les organisations ont ce genre de questions, et c'est pour ça que j'essaye de distinguer un petit peu entre le mouvement humanitaire et le dispositif humanitaire, parce que je pense qu'il existe toujours un mouvement humanitaire, c'est-à-dire des gens qui considèrent que l'humanitaire est une forme de la solidarité internationale, c'est-à-dire on va là-bas, on va directement auprès des gens de qui on veut être solidaire, et à un moment donné, dans une urgence, dans une souffrance liée à la guerre ou à une catastrophe, on veut intervenir tout de suite auprès de ces gens-là, et non pas plus tard, lorsque les choses iront mieux. Donc je pense que là, c'est une discussion qu'on peut avoir à la fois sur le fond de ce qu'est le mouvement humanitaire, et son côté plus ou moins lié à une idée vague de la charité et de la compassion, d'une part, et à une autre idée qui peut être aussi vague, mais qui est aussi importante chez les gens qui sont dans l'humanitaire, de la solidarité internationale. Et puis, il y a la situation actuelle qui est de cet engrenage dans le dispositif humanitaire qu'on voit très bien dans les ONG avec la volonté, par exemple, d'avoir des coordinations à l'échelle mondiale. Il y a des ONG qui se posent la question d'y aller ou de ne pas y aller. Et c'est très important de ne pas y aller. On refuse de participer à une grande réunion générale organisée par le HCR ou par une autre agence de l'ONU. On garde notre autonomie. Qui nous finance? Est-ce qu'on est financé à 99% par des fonds de gens qui sont des donateurs, ou est-ce qu'on est financé à 90% par ECHO ou par le HCR? Ça fait une différence aussi, c'est ce genre de choses. Et ça, tout ça, ce sont des choses qui font débat. Et donc, je crois qu'il y a en ce moment, tous ces éléments d'une crise, hein, crise morale, crise... économique, parce qu'il y a une puissance économique de l'humanitaire qui est considérable. Crise aussi sociale, on va dire. C'est pas les mêmes gens qui vont maintenant dans l'action humanitaire que ce que c'était ce mouvement des French Doctors, etc. Le nouvel humanitaire, on va dire, des années 80, 70. Donc, tout ça est en train de changer, mais je crois qu'il y a, je n'ai pas idée de ce sur quoi ça débouche, mais on a intérêt, tout le monde a intérêt à ce que ça se repolitise, qu'il y ait un vrai fonctionnement démocratique des organisations humanitaires, et qu'avec ça, il y ait une vraie vie du mouvement humanitaire, comme mouvement associatif, proche de la société civile. La tendance actuellement, on va vers plus d'expertise, de plus grosses ONG, une internationalisation des ONG et un détachement de ce qui a pu être à l'origine de ces ONG en tant que mouvement. Donc il y a de nouvelles formes à la fois de lutte sociale, de lutte politique, d'expression politique, et puis une nouvelle forme de solidarité internationale qui doit se construire. Qui est à repenser certainement. Oui. Merci beaucoup Michel Agier. Merci. Toujours avec Bernard Parmegiani, signe de vie, expression 1, qu'on conclut cet entretien à propos du gouvernement humanitaire avec Michel Agier. Cette émission sera rediffusée mercredi prochain à 10h sur FPP et elle restera disponible sur www.intempestive.net ainsi que la première partie de l'entretien. Vous trouverez également sur le site de la documentation et les références des bouquins de Michel Agier. À quoi vous a servi, monsieur Artaud?